J'y étais pour montrer mon QI sur la télé nationale contre un prof de maths, oh et puis un toubib qui avait tous leur bac. J'étais fort, j'étais nerveux, je crois que c'était pas mon jour. J'espère que je vais pas me faire casser par cette grosse binoclard agressive. Yeah, yeah. Aïe aïe aïe, les questions sont dures. Obligé de dire banque, parce que sinon y'aura plus de fric après et tout le monde va me casser. Mais pourquoi est-ce que tout le monde se tire autant dessus pour du fric? Oh, dites-moi, ma chère madame, dites-moi si je suis le maillon mort. Yeah, yeah. Avec 8 voix et à l'unanimité, vous êtes le maillon faible, au revoir. Je sais pas, mais je crois que dans le fond, je crois que j'avais rien à perdre. La semaine prochaine, je m'inscrirai à qui veut gagner des millions. Yeah, yeah. Vous êtes